بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في الدرس الثاني عشر deuxième leçon. Dans le dernier, nous avons parlé de ce qui touche à la présence d'Allah Azza wa Jal. Où est-ce qu'Allah se trouve? Est-ce que quiconque peut connaître l'invisible et le futur en dehors d'Allah? Et ainsi de suite. ثم قال في السؤال الخامس وخمسين 55e question. قال ما هو الشرك؟ Qu'est-ce que l'association, autrement traduite comme étant polythéisme, qui est l'opposé du tawhid? Car le tawhid, c'est le fait d'unifier, et le shirk, c'est le fait de partager. Que soit, ou même le fait de donner à autrui totalement ce qui revient à autre que lui. Qala wa ibaratu ghayrillah. Parmi les définitions données, c'est le fait d'adorer autre que Allah. Ça peut être également adorer Allah et adorer autre que lui avec lui. Ça peut être également le fait d'adorer autre que lui totalement en dehors de lui. Tout ça, c'est du shirk. Car c'est le fait de donner à autrui ce qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'on appelle du polythéisme également, bien que les gens, pour eux, le polythéisme, c'est le fait de croire en plusieurs divinités, de se dire que, par exemple, il y a, comme le cas chez les Grecs auparavant, le dieu Massalène de la mer, le dieu du tonnerre, le dieu de ceci, le dieu de cela. Ça, c'est du shirk. Mais le shirk ne se limite pas à cela. Le polythéisme, d'accord, c'est le fait, là comme nous on le dit, c'est de tourner l'adoration pour autre que Allah. Et cette adoration n'est tournée que pour une chose qui est divinisée. Bien que la personne dira, je n'adore pas cette chose-là. On dira, peut-être toi tu ne l'adores pas. Mais ce que Allah a décrété que ce que tu fais là, c'est une adoration. Donc tu l'as pris comme divinité, que tu te rendes compte ou pas. Et là-dessus, l'intention n'est pas une condition. Quelqu'un peut faire du shirk sans avoir l'intention de le faire. Car aujourd'hui, quand les gens voient, ils invoquent les auliers dans les tombes, par exemple, ils vont voir leur wali soufi dans la tombe et ils l'invoquent pour qu'il intercède pour eux. Il dit, je ne l'adore pas, juste je le prends comme intercesseur auprès d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal a nommé cette intercession comme étant du shirk, car tu invoques une créature qui n'est pas apte à répondre à ta demande. Donc c'est une chose que seul Allah est capable de faire. Donc tu rappelles du polythéisme. Que tu l'appelles divinité ou pas, cet acte sera appelé adoration. Et toute adoration attribuée à autre que Allah amène à ce que tu aies instauré une autre divinité, que tu le veuilles ou non. Wa dalil qawlu ta'ala wa a'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a. Et adorer Allah et ne lui associer rien. Donc Allah a interdit de lui associer quoi que ce soit. An-Nisa, verset 36. Et le shirk, comme vous le savez, se divise en deux. Le shirk qui est majeur, celui qui est mineur. Celui qui est majeur, celui qui fait sortir de l'islam et qui annule toutes les œuvres et qui rend celui qui l'aura commis parmi les gens éternellement au feu s'il meurt dessus sans tawbah. Et le mineur, celui qui annule l'action en elle-même, qui ne fait pas sortir de l'islam, et celui qui l'aura commis est sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. S'il veut, lui pardonne, et s'il veut, il le châtie. Et certains ulama disent qu'il le châtiera quoi qu'il en soit et finira par sortir du feu par la suite. Hormis celui qui fait tawbah, bien évidemment. Wa an Abi Hurayra radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala Allah tabaraka wa ta'ala ana aghna shuraka 'an ash-shirk man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktu wa shirka. Que Allah azza wa jalla a dit, je suis plus riche que les associés, c'est-à-dire que ceux qui m'associent, de ce qu'on leur raconte comme association. Celui qui commet une œuvre et qui la partage avec autre que moi, c'est-à-dire une adoration qui la tourne à autre que moi, ou la partage avec moi et autre que moi, je le délaisserai lui et son association. C'est-à-dire que l'acte que tu fais, même si tu tenais voir Allah Azza wa Jal et par un autre en même temps, Allah n'acceptera pas de toi. Et ça rentre dans quoi, par exemple? L'ostentation, ce qu'on appelle un riya. Le fait, par exemple, que tu fasses une adoration comme le fait de faire la salat pour Allah, et en même temps, tu mets une part d'embellissement pour que les gens te vantent. Tu auras donné une part de cette adoration autre que Allah. Donc la salat-là sera annulée, invalide. Et le hadith sera rapporté par Muslim. Et parfois, il se peut que j'oublie de citer les versets. Ça arrive. D'accord, ce n'est pas une chose qui, à la base, on est censé apprendre le Coran autant qu'on peut. En plus, le PDF, il est présent pour ceux qui veulent suivre. Donc les versets sont cités. Et à la base, en général, dans les doulous, les ulama ne citent pas les numéros des versets. Ce n'est pas une façon, c'est là juste pour faciliter. Donc si un oubli m'arrive, ce n'est pas ce qu'on appelle une erreur ou quoi, c'est juste une chose que, en fait, en donnant le numéro du verset, c'est une chose que je donne en plus. Mais tu verras, demain tu pourras donner de l'os de ulama ou de machir ou quoi, quand il cite un verset, il le cite comme ça. Il ne cite pas le numéro. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il donnait un istidlal sur une mas'ala avec un verset, il ne donnait pas le numéro du verset. Et là, c'est juste pour aider. D'accord? C'est juste pour aider. Si j'oublie, ce n'est rien du tout. Ce n'est pas grave. Et des fois, dans l'élan, j'oublie, bien évidemment, car je lis le livre. Et je donne un commentaire, ça fait oublier de citer le verset qui, à la base, n'était pas mon habitude, si ce n'est depuis quelque temps. Naam. ثم قال في سؤال 56 ما هي أكبر الكبائر؟ Quels sont les plus grands des péchés؟ قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. Donc, dans cette question-là, qui est le 56e, il dit quels sont les plus grands des péchés? Car les péchés, il y a les grands, d'accord? Et il y a les petits. Donc, les plus grands sont justement, de faire du shirk. En premier lieu, c'est le plus grand, c'est le pire des péchés, c'est le plus grand des péchés, et celui qu'Allah ne pardonne pas pour celui qui meurt sans être repenti. Deuxième, c'est le fait d'être ingrat envers les parents. Et troisième, le faux témoignage. Wa Nabi Bakrata, Nufayy ibn al-Harith, qal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Alaw nabiyukum bi akbar kabair, thalathan. الاشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ne vous informerai-je pas des grands péchés ou des plus grands des péchés? Il le dit cela, il répéta cela trois fois. Après il dit, le fait d'associer à Allah, d'être ingrat envers les parents et de porter un faux témoignage ou une parole mensongère. Et il dit, وَكَدَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى كُنَّا لَيْتَهُ سَكَتْ. Et alors qu'il dit tellement la chose, elle était grave, que le prophète صلى الله عليه وسلم était accoudé, appuyé sur quelque chose, et il s'est assis pour pouvoir bien expliquer et répondre à cette question-là. Et il a cessé de répéter cette chose-là, c'est ce que les sahaba disent, qu'il aurait aimé qu'il ne parle pas. Tellement la chose elle les a touchés. ثم قال في سؤال 57 ما هي السبع الموبقات؟ Quels sont les sept péchés, d'accord, qui sont eux, comme ils traduisent, comme étant capitaux. طيب قال 57e question الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلى بالحق وأكل المال اليتيم وأكل الربا والتولي من الزحف وقف المحصنات الغافلات المؤمنات comme cela est venu dans le hadith de Abu Huraira متفق عليه qui les dit صلى الله عليه وسلم qui sont l'association, la sorcellerie, le fait de tuer une vie que Allah, ou le fait de faire couler le sang que Allah a rendu interdit, c'est-à-dire de tuer une personne dont il n'est pas permis de le faire, le fait de manger l'argent des orphelins, le fait de manger l'argent de l'usure, du riba, le fait de tourner le dos, de battre en retraite le jour de l'affrontement avec l'ennemi, et le fait d'accuser les croyantes chastes et inattentives. C'est-à-dire, tu accuses une croyante, une chose qu'elle n'a pas faite, qui touche à son honneur, comme le fait de l'accuser, par exemple, d'avoir commis l'adultère, ou d'avoir forniqué, ou d'avoir fait une chose qui touchait aux turpitudes. Et là, dans le hadith, il cite Al-Mursanat al-Rafilat par rapport aux femmes, et cela est valable pour l'homme également. Cela est valable pour l'homme. Donc faire très attention lorsque les gens parlent sur les gens, des choses qui touchent à cela. En islam, celui qui accuse une personne d'avoir forniqué sans qu'il n'apporte quatre témoins, qui aient vu l'action clairement et purement, ce qu'on appelle l'acte de pénétration, sans aucune ambiguïté, lui, il se fait flageller 80 fois. Il est considéré comme étant un menteur, un pervers, et son témoignage n'est plus accepté. Donc c'est une chose à ne pas prendre à la légère. Même si dans beaucoup de pays, ils n'appliquent pas ce jugement auprès d'Allah Azza wa Jalla, il existe. Et au Qiyama, tu le rencontreras avec cela. Donc les gens tiennent leur langue et font attention lorsqu'ils parlent des gens. Maintenant, cet acte de la fornication ne peut être accepté que si la personne reconnaît d'elle-même aussi les quatre témoins, d'accord, les quatre témoins, ou alors certains disent s'il y a une grossesse, une femme qui est tombée enceinte sans avoir eu de mari. Et là-dessus, il y a un khilaf. Certains disent qu'il y a un khilaf par rapport à cette mas'ala-là. D'accord? Donc, attention aux accusations. Attention, et tout particulièrement aux gens pieux. ثم قال هل ينفع العمل مع الشرك؟ Est-ce que l'œuvre sert à quelque chose pour celui qui aura commis du shirk? Dans la 58e question. قال لا ينفع لأن الشرك يحبط العمل. Il dit l'œuvre ne servira à rien car le shirk annule et supprime l'œuvre, l'acte. والدليل قوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Qu'il a dit عَزَّ وَجَلْ dans le sens si jamais ils avaient associé leur tout ce qu'ils ont œuvré aurait été annulé. Les bestiaux, verset 88. Et là, Azawajel parlait à propos de ses messagers. Donc, en est-il de nous? Qui, les messagers sont infaillibles face au shirk. Donc, le shirk annule l'œuvre. Et c'est le Akbar, le majeur, annule toutes les œuvres que tu auras faites, aussi nombreuses soient-elles. Donc, attention au shirk qui est le plus grand des péchés, le pire des péchés. Et la chose que Allah ne pardonne pas pour celui qui meurt dessus. Wa qala ta'ala, wa laqad uhiya ilayka. وَإِلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَيْنَا شَرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنْ الْخَوَسِلِينَ. Il t'a certes été révélé à toi ainsi qu'à ceux d'avant toi que si jamais tu venais associer, tes œuvres seraient annulées et tu serais du nombre des perdants. Az-Zumar, verset 65. Az-Zumar, verset 65. Donc c'est une menace sévère. C'est une menace sévère. Et le shirk, que les gens fassent attention, ne pas se croire à l'abri de cela. Ibrahim, alayhi salam, qui était l'imam des Mouahidin, a fait doua que Allah l'éloigne, lui et des idoles, ainsi que sa famille. Donc nous sommes encore plus en droit de demander à ce que Allah nous préserve de cela, car nul n'est à l'abri de faire cela. Et aucun moment de sa vie, ni au début, ni à la fin. Non, donc attention au shirk, et le shirk a beaucoup de formes. Il peut être apparent, il peut être caché. Et cela est étudié dans les kutub comme Kitab Tawhid. ثم قال هل يجوز في السؤال 59 59e question هل يجوز الذبح لغير الله؟ Est-il permis d'égorger, de sacrifier pour autre que Allah? قال في جواب لا يجوز. Cela n'est pas permis. والدليل قوله تعالى فصلي لربك وانحر. Et accomplis la salat pour ton Seigneur et sacrifie. Al-Kawthar verset 2. وحديث علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. Que Allah a maudit celui qui aura égorgé pour autre que Allah, rahou muslim. Égorgé pour autre que Allah, cela est du shirk majeur dans l'absolu. Le sacrifice que l'on fait, on le fait au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sacrifice peut avoir différentes raisons. Il peut être une adoration directe ou indirecte. Directe comme par exemple le Eid, lorsqu'on égorge. Ou une aqiqa, lorsqu'on a une naissance. Et indirect, comme par exemple, quelqu'un qui voudrait vendre de la viande ou inviter des gens. Quoi qu'il en soit, même s'il n'égorge pas, dans le but de faire un sacrifice de rapprochement, il faudra qu'il égorge en nommant Allah Azzawajal sur la viande qu'il va égorger. Cela est obligatoire. Sans quoi la viande, même s'il ne l'a pas dit, il n'aura pas commis de péché, s'il a oublié, mais la viande ne sera pas comestible selon l'avis qui paraît comme étant le plus authentique. Wallahu ta'ala alam. قال سؤال 60 ما أهمية الدعاء؟ Quelle est l'importance de l'invocation؟ 60e question. قال الدعاء هو العبادة. Que l'invocation c'est l'adoration. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. Qu'il a dit صلى الله عليه وسلم que l'invocation c'est l'adoration. Donc ça revient à ce que nous disait tout à l'heure, que celui qui invoque autre qu'Allah aura adoré autre qu'Allah. Car toute adoration est basé sur le fait que tu désires d'Allah quelque chose. Donc c'est une invocation en soi. Ce qu'on appelle ou mas'ala, c'est-à-dire l'invocation de la demande, tu demandes directement, ou ibadah, le fait que tu fais une adoration, dans le but de recevoir par la récompense de cette adoration, que Allah te pardonne, accepte de toi. C'est une demande que tu as derrière. Donc c'est une invocation. Donc si elle est tournée pour autre qu'Allah, elle devient du shirk. Et ça peut être majeur, mineur, cela dépend de l'adoration que tu commets, plutôt que tu accomplis, et ça dépend de l'intention. Et après également, c'est en Kitab Tawhid que ce genre de détail est cité. قال في السؤال الواحد وستين ما حكم الدعاء الأموات والغائبين. Qu'en est-il dans 61e question, qu'en est-il de fait d'invoquer les morts ainsi que les absents? قال هذا شرك أكبر. Cela est du shirk majeur. Le fait d'invoquer une personne, une créature, qui ne soit pas en mesure, de façon générale, de t'accorder ce que tu demandes. Que tu demandes de cette créature une chose que seul Allah peut t'accorder. Cela est du shirk akbar. Cela est du shirk akbar. Qala wa dalilu qawluhu ta'ala wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah wa man du'a'ihim ghafilun. Wa idha hushira an-nas kanu lahum a'da'a fa kanu bi'ibadatihim kafirin. Donc la preuve, c'est dans le sens où Allah Azza wa Jal dit « Et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah ce qui ne peut lui répondre jusqu'au jour de la résurrection ?» Et alors qu'ils sont inattentifs à leur invocation, comme le mort dans sa tombe. Il ne t'entend pas. Et lorsque les gens seront ressuscités, et alors ils seront alors leurs ennemis et mécroiront en cette adoration qui leur a été portée. C'est-à-dire, c'est pour ça que tu invoques, Ibn al-Qayyim se désavouera de toi et de ton invocation que tu as faite pour elle. Et comme les ulama le disent, que le mort est plus en droit qu'on invoque pour lui, qu'on lui demande qu'il nous invoque pour nous. Car lui, il est dans un moment où il n'y a plus d'actes qui puissent lui profiter. Alors que toi, en tant que vivant, tu as encore des actes à faire, bifalillahi ta'ala, qui te permettent de pouvoir te rattraper, faire des tawbah. Lui, c'est fini. Il n'a plus d'œuvres à faire qui lui rapporteront quelconque récompense par la suite. Si ce n'est l'invocation que les gens pourront faire pour lui, qu'elle lui pardonne. قال وحديث عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. Qu'il a dit صلى الله عليه وسلم, celui qui meurt. L'autre verset tout à l'heure c'était Al-Ahqaf, verset 5 à 6. J'ai oublié de le citer. Donc là on revient au hadith qu'il a dit صلى الله عليه وسلم, celui qui meurt alors qu'il invoque un égal en dehors d'Allah, il rentrera au feu. Et le hadith, il a été rapporté par le Bukhari. ثم قال في السؤال 62 62e question هل يجوز ان نقول يا رسول الله في الدعاء mais il permet de dire oh message d'Allah dans les invocations, c'est-à-dire on invoque le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال في جواب لا يجوز دعاء غير الله, il n'est pas permis d'invoquer autre que Allah, ni un ange rapproché, ni un messager envoyé, ni un homme pieux, ni un arbre, ni le soleil, ni rien du tout. وقال تعالى وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَمْ يَسْتَجِبُ لَهُ إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Le verset qu'on a cité tout à l'heure, c'est le même. وَقَالَ تَعَالَى إِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Que certes, les masajids sont pour Allah, donc n'invoquez personne en dehors de lui. Al-Jin, verset 18. Et cela, où que tu sois dans un masjid, ou dans la rue, ou n'importe quel endroit, il est interdit catégoriquement dans l'absolu d'invoquer autre que Allah, dans ce que Allah est capable d'accomplir. Et dans le hadith d'Ibn Abbas, qu'il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « La tatrouni kama atra'at al-Nasara ibn Maryam, fa innama ana abduhu, fa koulu abdullah wa rasuluhu. » Que le messager sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, « N'exagérez pas dans ma personne comme l'ont fait les chrétiens avec Isa ibn Maryam. Je suis juste le serviteur d'Allah, d'accord, et son messager. » Car Isa également n'était qu'un messager. Donc ne pas exagérer et lui donner des attributs divins en l'invoquant. Naam. Fa ila huna walhamdulillahi rabbil alamin.